Alors, vous écoutez Futur Simple au 89.1. C'est bientôt la fin de l'émission, le dernier quart d'heure de Futur Simple de l'année 2012 et aussi le dernier quart d'heure de Futur Simple avant le jour fatidique du 21 décembre 2012. Alors, est-ce que c'est carrément la dernière chronique de Futur Simple? Alors, le mot de la fin est à Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. J'espère que tu n'as rien prévu le 22 décembre. Parce que, comme tu l'as dit, demain, semblerait-il que c'est la fin du monde. Ben, j'ai décidé de vous parler, de vous donner au moins 5 bonnes raisons pour ne pas paniquer à la veille de la soi-disant fin du monde. OK. Alors, la première raison? Ben, d'abord, on va parler du calendrier Maya. Sachez que les Mayas n'ont jamais prophétisé la fin du monde le 21 décembre 2012. Là, ça commence mal. Les Mayas de la période classique du 3e au 5e siècle pensaient que la marche du monde s'inscrivait dans des cycles périodiques et dont le plus long correspondait à environ 5000 ans. Ça correspond à 5000 ans de notre calendrier à nous. Mm-hmm. Et ça devrait s'achever autour de l'an 2012. Bon, c'est ça. Ben c'est ça. Pourtant, la fin d'un cycle, pour les Mayas, ça ne signifiait pas du tout la fin du monde. C'était la date de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est une façon de penser très circulaire. C'est ça. Et l'ancien monde devait être moins détruit que régénéré, en fait, à travers des rites qui assuraient un renouvellement des forces vitales de la société et de la nature. Ça, c'est la façon de penser des Mayas. Donc, le postulat de base n'est pas bon au départ. Oui, c'est ça. Et pour donner une date précise, les Mayas utilisaient un système qui était assez complexe d'ailleurs. D'abord, ils utilisaient le cycle solaire qui est composé de 365 jours. Donc, leur calendrier comportait 18 mois de 20 jours et un mois de 5 jours maléfiques. Okay. Et un autre calendrier, un cycle qu'on appelle le Tzolk'in, ça comprend 260 noms de jours différents. On peut peut-être faire correspondre ça à comme des jours fériés, mais c'est pas vraiment un bon parallèle non plus. Okay. Pour trouver une date, ben, il faut associer ces deux cycles-là, ce qui fait qu'un même nom de jour va revenir à peu près toutes les 52 ans. Okay. Et pour différencier les dates qui avaient le même nom, ben, les Mayas la situaient par rapport à l'origine de ce cycle-là, un cycle qui comprend 1 872 000 jours, donc un peu plus de 5 000 ans. Okay. Vous me suivez jusque-là? Oui, tout à fait. D'après vous, qu'est-ce qui arrive quand on va combiner le calendrier Maya avec le calendrier chrétien? Ben, ça donne quelque chose de très peu précis parce que là, il y a certains chercheurs qui ont fait correspondre la fameuse date fatidique du 4 Aoun 3 Kanjin, si on peut traduire ça en Maya. C'est le 21 décembre 2012, okay. De la façon Maya. Tandis qu'il y a d'autres chercheurs qui vont dire que cette date-là, la fin, en fait, de ce cycle-là, ben, c'est dans 208 ans. Fait que là, c'est comme vraiment pas précis. Grosse différence. Oui. Leur calendrier unique seulement, le calendrier indique, pardon, seulement qu'à cette date-là, ben, ça correspond à la fin d'un grand cycle et puis qu'il va en redémarrer un nouveau à la suite de celui-là. Et selon certains spécialistes, l'allusion à la fin d'un grand cycle, c'est pas vraiment représenté comme un cataclysme, c'est pas la destruction du monde, mais c'est plus, selon les Mayas, c'était comme le retour d'une divinité qui va remettre le temps en marche. Là. Finalement, c'est plutôt quelque chose de constructif et de positif. Mm-hmm. Et l'idée d'associer la fin d'un cycle cosmique à un événement apocalyptique, ça vient pas du tout des Mayas, comme je vous l'ai expliqué, mais ça vient plutôt des Occidentaux qui sont pas mal contemporains à nous, des années 70, là, tout le mouvement New Age, là, ces trucs-là. Il s'agit donc d'une prophétie qu'on pourrait qualifier d'assez occidentale et pas du tout d'une prophétie Maya. L'idée de la fin du monde, c'est omniprésent dans la pensée chrétienne. Et le christianisme, là, qu'on pourrait qualifier de primitif, là, ça c'est au début des temps, proclamait toujours que la fin du monde est proche, la fin du monde est proche. Mais là, les années passaient, puis l'apocalypse survenait pas. Et là, les théologiens se sont résolus à renvoyer la fin du monde dans un avenir qu'on pourrait dire qu'on peut pas concevoir plus que c'est très lointain. OK. Alors, si on parlait de la deuxième raison... Oui, ben là, là, on s'en va dans encore plus scientifique. Ouais. Ça concerne l'inversion des pôles. Puis là aussi, je suis désolée, je vais vous décevoir, là, parce que ça risque pas vraiment de se produire de notre vivant. Mais c'est tout de même un phénomène qui pourrait se produire quand même. On a déjà de Paris, d'ailleurs, à Futur Simple. Oui, les pôles, ça peut s'inverser. C'est déjà arrivé, mais pas en 24 non, heures. C'est ça. C'est un processus qui est très lent. Ça peut arriver qu'une perturbation se produise dans le noyau de la Terre. À ce moment-là, le champ magnétique, il va s'affoler pendant à peu près 1000 à 10 000 ans. Donc, on a le temps d'y faire. Pendant ce temps-là, les pôles magnétiques vont se déplacer rapidement un peu partout sur la surface du globe. C'est comme s'ils cherchent une place. Là. Uh-huh. Et à la fin de cette période de transition, ben, soit les pôles magnétiques reprennent leur position initiale, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'inverser, ou bien ils vont permuter, et donc pour nous, ils vont s'inverser. Et au cours de cette transition-là, l'intensité du champ magnétique va être assez faible, et là, ben, ça expose un peu la planète à des radiations un peu plus importantes. Et aussi, des, tu sais, les nombreuses technologies qui vont utiliser le champ magnétique, oui. Ben, eux, ils pourraient être un petit peu perturbés. Les oiseaux aussi, peut-être. Oui, mais rassurez-vous, parce que là, le champ magnétique terrestre s'est inversé à peu près 300 fois depuis les 200 millions d'années qui viennent de s'écouler. Puis la dernière est survenue il y a environ 780 000 ans. Et il semblerait pas que ça ait affecté grandement la vie sur Terre. Puis on est encore là pour en parler. Exactement. Hein? Alors, la troisième raison? C'est l'alignement planétaire. Ça, c'est très farfelu. En fait, c'est une théorie qui est un peu particulière. C'est en fait l'alignement planétaire, c'est l'alignement de toutes les planètes du système solaire avec le Soleil. Et là, sous l'effet de, là, ce que la théorie dit, c'est que sous l'effet de la gravité, là, ça va engendrer un cataclysme là, qui va anéantir la Terre. Bon, ben en fait, désolé, je vous décevoie encore, là. Mais la dernière grande conjonction planétaire, ben désolé, a déjà eu lieu. C'était le 2 novembre 1881. Et toutes les planètes, à l'exception de Vénus et de Neptune, étaient parfaitement alignées. Et puis, il y a d'autres dates dans le futur, en passant, qui vont être l'occasion d'un alignement. Le 29 juillet 2079, seul Mercure ne sera pas aligné avec toutes les autres planètes. Et beaucoup plus loin encore, le 2 février 2170... Ben là, c'est bien que l'alignement soit pas parfait, le Soleil et ses huit planètes seront tous alignés à quelques degrés près. Mais c'est rare que les huit planètes sont alignées, là, comme on peut voir. Oui, ça arrive pas tous les jours, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Là. Mais il y aurait un autre type d'alignement planétaire dont on parle aussi concernant la fin du monde, je crois. Oui, ben à défaut d'avoir un alignement planétaire au sein de notre système solaire, ben là, certains parlent de l'alignement de la Terre, le Soleil et le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ouais. Ben, c'est un fait. Le 21 décembre 2012, la Terre, le Soleil et le centre de la galaxie, ils vont être alignés. Là, vous vous dites sûrement, ah, ça y est, la fin du monde est proche. Ben, pourtant, ce phénomène-là, il se produit deux fois par année. Si les forces gravitationnelles mises en jeu ou ben, tout autre phénomène là, qui pourrait être induit par ça était arrivé, ben, je pense qu'on serait mort depuis assez longtemps. Mais afin de comprendre comment ça, c'est possible que deux fois par année, le Soleil et la Terre soient alignés, il faudrait que je vais juste reprendre brièvement quelques petites bases d'astronomie. Oui. Notre planète effectue une rotation autour de son étoile en un an. Bon, jusque-là, c'est assez simple. Et vu que la Terre, le Soleil semble se déplacer graduellement sur la voûte céleste, qui est composée d'étoiles qui sont très lointaines. Sa trajectoire annuelle, on appelle ça l'écliptique. C'est un parcours sur lequel le Soleil parcourt l'ensemble du ciel. Il va traverser les constellations du zodiaque. Et le plan galactique, ça, c'est une ligne imaginaire qui sépare la Voie lactée en deux, un peu comme l'équateur sur la Terre. Là, c'est vraiment une ligne très imaginaire. Comme le plan galactique est incliné par rapport au Soleil, ben le Soleil, il ne peut pas faire autrement que croiser cette ligne-là. À l'intersection? À chaque année. Fait que c'est deux points, ça, en fait. Et même deux fois par année, en fait, ça correspond au solstice. Au solstice, ben, il y a un alignement entre la Terre, le Soleil et le centre de presque là, de la Voie lactée. En fait, comme c'est des alignements, comme dans le cas des alignements planétaires, les forces gravitationnelles en jeu sont totalement infimes. L'alignement avec le centre de la galaxie là, qui se produit en 2012 ou en 2013 ou en 2014, on appelle ça un non-événement là, parce qu'il se produit de nombreuses fois puis c'est pas pour demain la fin. Là. Ça fait pas démarrer. Hein? Non. Le Soleil, là, en passant, il possède un diamètre d'environ un demi-degré là, sur le plan galactique. Et pour traverser la fameuse ligne imaginaire, ça y prend 36 ans. Ça a commencé en 1980, ça va se terminer en 2016. Et l'alignement parfait avec le centre du Soleil, ben désolé, il est déjà produit. Ça s'est arrivé en 1998, puis on est toujours là pour en parler. Mais il pourrait y avoir pire, la Terre pourrait rentrer en collision avec une planète. Ouais, là, attention, on vient d'atteindre l'apogée. C'est digne d'un scénario de film de science-fiction, vraiment. Là. Cette planète s'appelle Nibiru. Elle serait venue des confins du système solaire pour percuter la Terre. Là, on dirait que j'ai donné les ingrédients pour faire un film de science-fiction. Oui. Et selon une poignée d'auteurs, il s'agirait d'une planète géante, là, d'une orbite excentrique là, qui s'étire à l'extérieur du système solaire. Donc, c'est quelque chose qui vient là, du système solaire. C'est ça. Et toutes les 3600 ans, Nibiru croiserait l'orbite terrestre. Elle frôlerait notre planète En tout cas, c'est drôle, là, j'en ai jamais entendu parler. Que c'est parce qu'il y a 3600... Si on recule de 3600 ans, ça veut dire que c'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui s'en serait rendu compte, là. Et puis là, ça ferait des séismes, là, des éruptions volcaniques, le basculement de l'axe des pôles. Bon, finalement, ce qu'on a vu dans le film 2012. Et actuellement, cette planète se cacherait derrière Pluton et son influence se ferait sentir sur les planètes extérieures. Bon, si un tel objet hypothétique était en approche, là, je pense que la NASA l'aurait déjà repéré. On serait même déjà capable de voir avec n'importe quel télescope, là. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça pour demain? Bien, il y a une chose qui est sûre, puis ça, malheureusement, on n'y échappera pas, c'est le solstice d'hiver. Et puis d'ailleurs, je vous rappelle que c'est déjà le 21 décembre pour à peu près la moitié de la planète, là, l'Asie, hein? L'Australie, le Japon. Ça fait longtemps qu'ils sont le 21 décembre, puis j'ai pas entendu parler qu'il s'est passé quoi que ce soit. Donc, si certains annoncent la fin du monde pour demain, la science, elle, n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup, Mélanie. De rien.